Évariste Ndikoba Nyanga. Bonjour, chers auditrices, auditeurs de la radio Sanganelo. C'est le moment du journal en langue française, dont voici d'abord la charpente. C'est aujourd'hui que va prendre fin la 21e session des organes de la force est-africaine en attente. Une mise en place de cette force est déjà conclue. Elle sera composée de 5 bataillons, selon le directeur de cette force, Ismaël Chanfi. Vous l'entendrez dans ce journal. C'est ce vendredi que la Commission nationale du dialogue inter-burundais va clôturer les consultations au niveau communal dans la province de Kirundo. Une activité qui pourra être entamée dans les jours à venir dans les camps des réfugiés. Et dans les pays qui regorgent la diaspora burundaise. Francine Niyonsaba, l'athlète burundaise, compte donner un coup de main dans la détection des autres athlètes à Ruigi, où elle va organiser une compétition le 20 novembre prochain. Et en actualité internationale, on vous parlera de l'opposition gabonaise qui n'a jusqu'aujourd'hui digéré la victoire d'Ali Bongo. Rukwimana assure la mise en onde. Rebonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La Commission nationale du dialogue inter-burundais, CNDI, clôture ce vendredi les consultations au niveau communal. Ces activités se déroulent en ce moment au lycée Kanyinya, c'est au chef-lieu de la commune et province Kirundo. Dans les coulisses, on apprend que la prochaine étape sera les camps de réfugiés dans les pays limitrophes et la diaspora burundaise de Kirundo. Nous appelons notre envoyé spécial Alain Désiré Boukenetre. Comme le dialogue inter-burundais dirigé par la Commission nationale de dialogue inter-burundais a été ouvert dans la province Kirundo, au niveau des provinces au lycée de Kanyinya, ce dialogue est clôturé ce vendredi au même lycée dans la commune et province Kirundo en ce qui concerne le dialogue au niveau des communes. Les communes Wusoni, Vumbi et Kirundo ont été choisies pour cette clôture. Monseigneur Justin Zoïsaba, président de la CNDI, fait savoir qu'il ne dit pas beaucoup sur le travail de la commission, mais qu'un rapport relatif va bientôt sortir. Comme c'est l'habitude de la commission, le président de la CNDI pose une question à la population présente par laquelle elle donne un remède au conflit inter-burundais, remède qui pourrait exprimer la voix de tous les Burundais, sinon celle de la majorité. Certains parmi ceux qui répondent demandent de couper court à l'accord d'Arusha au cas où d'autres l'aident à ce que cet accord soit respecté en tant que tel et ne soit en aucun cas violé. C'est au moment où d'autres demandent la révision de la Constitution sans oublier la question de mettre fin à l'impunité. Celui qui a présenté un travail sur les élections au Burundi fait savoir que la CNDI a été mise en place afin de mettre fin aux problèmes qui surgissent à l'issue des élections, ce qui pour lui trouvera solution, notamment par le biais de l'indépendance de la magistrature. Le conseiller du gouverneur de la province Kirundo affirme que c'est la question des réfugiés qui reste à trouver remède. L'on apprend dans les coulisses que l'étape suivante de la commission sera la consultation dans les camps des réfugiés dans les pays limitrophes, ainsi que la diaspora burundaise. Depuis Kirundo, Alain Désiré Boukeyeneza pour la radio Isanganiro. Alain Désiré Boukeyeneza, Eastern Africa Standby Force, ESF en sigle, sera composé par 5 bataillons avec plus de 5000 troupes, hommes et personnels et les équipements complets. Annonce faite ce vendredi par l'ambassadeur Ismaël Chanfi, le directeur de cette force. C'était lors de la clôture de la 21e session des organes de la force est-africaine en attente. Il a également précisé qu'avant d'opérer toute éventuelle opération, cette force devra d'abord avoir une autorisation de la part de l'Union africaine. On écoutait plutôt Ismaël Chanfi. Mais nous avons une force qui comprend 5 bataillons avec 5200 troupes, hommes, personnels, les équipements complets. Une force vérifiée, validée dans les pays membres, y compris au Burundi. Nous avons cette force, elle est là, elle est prête, déployée par les pays membres, avec un accord pour mobiliser la force chaque fois que cela est nécessaire. Tout est prêt. Nous n'attendons qu'un mandat pour nous déployer parce que pour que la force, si nous voulons utiliser la force, il nous faut absolument une décision de l'Union africaine, qui est l'instance qui nous dirige. Nous sommes sous l'Union africaine, c'est une force de l'Union africaine. Donc, lorsqu'une décision viendra, nous sommes prêts à nous déployer, à assurer notre mission. C'était Ismaël Chamfi, directeur de la force est-africaine en attente. Propos recueillis par Evrard Monon, le stagiaire à la radio Isanganiro. Des eaux usées se déversent dans certaines rues de la zone Wuyendi. La population sur place indique que ce problème dure près de 2 ans. Elle dit craindre les épidémies liées au manque d'hygiène. Yves Nkurunziza nous en dit plus. À l'arrivée au 9e avenue numéro 40, 15e avenue numéro 40, 16e avenue numéro 30, 25e avenue numéro 30 et 19e avenue numéro 30 du quartier Buyenzi, tu vois en premier lieu des eaux usées, parfois nauséabondes, qui courent de part et d'autre de ces rues. Les habitants de cette localité indiquent qu'ils risquent d'être contaminés par le choléra si rien n'est fait dans les plus brefs délais. Ils expliquent que dans ces endroits, déjà continuent à y vendre entre autres des fruits et des beignets qui pourraient être des vecteurs de transmission des bactéries, des maladies, des mains sales. Ce problème demeure non résolu alors que l'administrateur de la commune Mukaza avait promis il y a 2 mois de régler ce problème avec l'appui de la population de cette localité. La radio de l'avenir. Poursuivons ce journal par la page sportive. L'athlète burundaise Francine Niyonsaba organise une compétition qui se déroulera à Ruyigi le 20 novembre prochain. Cette compétition dite sur route se fera sur les 8 km pour hommes et 5 km pour femmes. L'organisatrice de ce rendez-vous explique que c'est dans le but de préparer les jeunes talents burundais pour la compétition internationale prévue en Ouganda l'année prochaine. Suivez Francine Niyonsaba au micro de Léon Sevitario. Cette compétition, je pense, va inspirer beaucoup plus d'athlètes burundais parce que mon souhait est que le Burundi soit représenté sur le plan international. Pourquoi est-ce que vous avez organisé cette compétition en province de Ruyigi? C'est parce que c'est votre province natale? Non, j'ai réfléchi d'organiser cette compétition dans ma province natale parce que je vais encourager les jeunes de Ruyigi parce que moi, je suis seul dans ma province natale. Je veux d'autres athlètes burundais à Ruyigi. Mais la compétition est nationale? Oui, la compétition est nationale parce que tous les athlètes burundais seront là. Pourquoi est-ce que vous avez pensé à 8 km et 5 km et pas les 800 mètres? J'ai réfléchi d'organiser les 8 km pour les hommes et les 5 km pour les femmes parce que maintenant nous sommes dans une période de préparer le championnat du monde de cross-country qui se déroulera en Ouganda l'année prochaine. Nous sommes dans une période de cross-country parce que je pense que ma compétition peut orienter, peut aider les athlètes qui veulent représenter le Burundi dans ce championnat. Je pense que si ma compétition se passera bien, je pense que je peux avoir d'autres derrière moi. Moi, je rappelle tous les athlètes burundais de venir et de faire une détermination pour honorer le pays. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, en Angola, à la fin du sommet des dirigeants de la CIRGL, ils ont demandé l'augmentation des militaires supplémentaires pour renforcer les forces de l'ONU en RDC. Au Gabon, la victoire d'Ali Bongo n'est pas encore digérée par les opposants. Jean Ping est en déplacement en France pour en parler avec la diaspora. Au Congo-Brazzaville, une place primordiale a été donnée à celui qui sera le chef de l'opposition. Les détails avec Ali Dandaketa. Au Congo-Brazzaville, le chef de l'opposition sera le leader du parti ayant obtenu le plus grand nombre d'élus à l'Assemblée nationale derrière le parti ou le groupement de la majorité. Telle est la disposition contenue dans un projet de loi que vient d'adopter le gouvernement congolais. Comme on peut le lire sur la RFI Afrique, c'est à l'occasion d'un conseil des ministres que le gouvernement a adopté le projet de loi définissant le statut du chef de l'opposition. Ce document prévoit de créer une fonction de responsabilité et d'institutionnalisation de l'opposition conformément à la nouvelle loi fondamentale adoptée en 2015. En Angola, les dirigeants des pays des Grands Lacs réunis à Luanda ont appelé les États de la région et d'Afrique australe à fournir des contingents supplémentaires aux forces de l'ONU en République démocratique du Congo qui traversent une grande crise politique. L'objectif est de renforcer les opérations menées contre les forces négatives en RDC. Le site d'African News précise que Luanda et Brazzaville se sont engagés à envoyer avant la fin du mandat de Joseph Kabila des militaires supplémentaires pour renforcer la mission des casques bleus en RDC. La RDC est minée par une crise politique profonde liée au report de la présidentielle qui devait se tenir cette année. En octobre, la majorité congolaise et une frange minoritaire de l'opposition ont convenu de reporter ce scrutin à avril 2018. Au Gabon, la victoire d'Ali Bongo est toujours contestée par l'opposition qui accuse le pouvoir de fraude. Comme cela est écrit par la RFI, son chef de file, Jean Ping, qui se considère comme le président élu, est attendu ce vendredi en France où il doit passer plusieurs jours, notamment pour encourager la diaspora à faire pression à l'étranger. Justement, au niveau international, le Parlement européen en discute. Le groupe est composé de 15 députés. Le sociodémocrate Joe Lane, qui dirigeait la délégation européenne qui a observé la présidentielle, il estime qu'un consensus pourrait se dégager pour dire que la réélection d'Ali Bongo était irrégulière. C'est sur l'actualité internationale avec Khalida Ndaïkeza que se referme cette édition, mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, je le rappelle, l'essentiel de l'actualité. C'est aujourd'hui que va prendre fin la 21e session des organes de la force est-africaine en attente. Une mise en place de cette force est déjà conclue. Elle sera composée de 5 bataillons, selon le directeur de cette force, Ismaël Chanti. Et ce vendredi même, la Commission nationale des dialogues interburundais va clôturer les consultations au niveau communal dans la province de Kirundo. Une activité qui pourra être entamée dans les jours à venir dans les camps des réfugiés et dans les pays qui regorgent la diaspora burundaise. Francine Niyonsaba, l'athlète burundaise, compte donner un coup de main dans la détection des autres athlètes à Ruyigi, où elle organise une compétition le 20 novembre prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Reku Imana pour sa mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndzikobanyanga. Nous vous souhaitons de passer bon après-midi chez vous. Au revoir.